Bonjour, voici l'éphéméride pour ce 10 décembre. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Lali et Laïa. Bon anniversaire à vous si vous êtes né un 10 décembre. C'est l'anniversaire de Brian Molko du groupe Placebo. Il est né en 1972. Bon anniversaire à Claudette Dion, la grande sœur de Céline. Elle est née en 1948. Et bon anniversaire à Megan White, batteuse du groupe The White Stripes. Elle est née en 1974. Voici le numéro 1 du jour. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, Hello Elitéon, moi Lolita. Fin de l'année 2000, la France découvre une nouvelle chanteuse, Alizé. Son premier titre, Moi Lolita, se classe 13 fois numéro 2 des ventes, dont un 10 décembre 2000. Elle restera 31 semaines dans les 10 premiers du top 50, mais ne sera jamais numéro 1. On termine avec un événement, le 10 décembre 1993, c'est Nelson Mandela qui reçoit le prix Nobel de la paix. Bonne journée et à demain.